best wel goed vandaag. Rood-zwart. Hadden we niet afgesproken. M'observe partout où je vais, mon ombre marche avec moi, c'est moi, c'est toi, toi-même qui vois tes yeux, dans mes yeux, reflète à votre la conscience, se cache en vous et me trouve, ce qui se passe partout où je vais, tu me surveilles et tu me suis. Tu es qui? transparant. Je suis comme l'eau, relaxant, réconfortante. Et je suis comme le feu, j'ai une passion brûlante. Et je suis comme la terre, je donne et je prends. Dieu, ça pourrait être n'importe quoi. Mon âme sonne comme un écho du néant au fond de toi. Tu sais qui tu es, qui tu es, qui tu es. Qui je suis? Je suis comme le ciel, changeant et transparent. Je suis comme l'eau, relaxant, réconfortante. Je suis comme le feu, j'ai une passion brûlante. Je suis comme la terre, je donne et je prends. Twee liedjes, we doen nog één Frans liedje en nog één Engels liedje. Het volgende Frans liedje, dat heb ik vertaald vanuit mijn liedje An Irish Girl in Paris, La Vie Irlandaise à Paris. En dat is gebaseerd op dat ik jaren geleden bij Montmartre aan het spelen was, op straat. En ik speelde een Engels liedje en er kwam een meisje en zij dacht dat ik uit Ierland kwam. Ik vond het best wel een compliment, ik was er toen nog nooit geweest. Maar ik moest haar teleurstellen dat ik uit Nederland kwam. Zij was aan het rondreizen en ze voelde zich een beetje eenzaam. En ik vond het wel herkenbaar. En ik heb een liedje over haar geschreven. La vie irlandaise à Paris. Elle veut explorer sa vie. Ses petits pieds peuvent à peine te porter sa volonté. Elle cherche du travail toute la journée. Elle n'a rien trouvé. Il faut se continuer. Tout va bien. dans la rue je chante pour ceux qui sont seuls. Les gens y marchent et parfois car comme un temps, un instant, une intention pour la chanson à Paris. La fille m'a dit, je suis heureuse, oui, j'aime ici, j'ai faussé. Entendu la musique m'est venue, j'aspire à la maison, je te cherche, chante-moi une chanson irlandaise, in het Engels. Even een overgang. Dit liedje schreef ik de dag voordat wij Mario en ik naar Berlijn gingen. Back to Berlin. Behalve in Ierland. Back in Berlin, leaves are falling, autumn is coming, I'm back in Berlin. Back in Berlin, music is calling, autumn is coming, I'm back in Berlin. Walking a long way on a sunny day, on my right hand, nowhere land. Behind the wall they told me not to draw, it could be dangerous for them and for us. We just travel as they look so serious and angry, they did not let me behind the wall. Walking a long way on a sunny day, on my right hand, nowhere land. Back in Berlin, leaves are falling, autumn is coming, I'm back in Berlin. I'm back in Berlin, music is calling, autumn is coming, I'm back in Berlin. I was still young and I couldn't sing my song. I followed the road downtown, far from home. They broke its heart and they tore it apart. Couldn't believe it was real, but it was. They killed you as a traveler between the walls. You pay the bills of a freedom call. Definitely a history, pictures and candles and many tourists I see. They back in Berlin, leaves are falling, autumn is coming, I'm back in Berlin. I'm back in Berlin, music is calling, autumn is coming, I'm back in Berlin. I'm back, and I can't believe this ever happened to you and me. I'm back on a misty day, hand in hand with my friend in Orlando. It's a long, long way to summertime, where the walls and the crime will fall into a thousand pieces of love. Don't you think we paid enough, you and me? Back in Berlin, the leaves are falling, autumn is coming, I'm back in Berlin. Back in Berlin, music is calling, autumn is coming, I'm back in Berlin. Walking a long way, it's cold. It could be my last day. I'm growing old. My heart was broken, build it up again. Many words are spoken, now it come to an end. Oh, I'm a traveler and I will set me free. I am only a memory. But don't worry, it will be so. Don't worry, it will be so. I'm back in Berlin. Back in Berlin. Leaves are falling, autumn is coming, let the music begin in Berlin. I'm back, and I can't believe this ever happened to you and me. Oh, I'm a traveler and I will set me free. I am only a memory. But don't worry, it will be so. Don't worry, it will be so. Don't worry, it will be so. Don't worry, it will be so. Dankjewel, dankjewel. Nou, en als jullie het leuk vonden, je kunt ons inderdaad nog supporten voor de Grote Prijs van Nederland. We staan nu op nummer 30 van de... Nou ja, van dat weet ik veel. Oké, je weet het nooit, je weet het nooit. Dankjewel voor jullie aandacht. En ja, we zijn te vinden op annettevogel.nl. Tot de volgende keer. En dankjewel, Katharina.